إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أيها الإخوة في الله، من أروع الكلمات المعبرة والمأثورة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قوله حين رأى ما أحدث الحجاج في زمانه، فقال رضي الله عنك: الراكب كثير والحاج قليل. والفرق بين الراكب والحاج هنا كالفرق بين المصلي ومقيم الصلاة. والمصلي من يؤدي الصلاة ظاهرا بحركاتها وأشكالها وقلبه غافل ساهي، أما مقيم الصلاة فهو من يؤديها بخشوع وحضور قلب، وهذا الأخير هو الذي تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، وهذا ما ألمح الله تعالى إليه في قوله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهكذا الحج، وإذا كانت تلك العبارة المأثورة قد أطلقها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم قبل مئات السنين حيث القرون المفضلة، فما الظن بحجاج عصرنا الحاضر؟ شكرا كتاب الله خيمي الله دون جميع كتاب الخانت لساشي كلا كتاب السنيور دون الانيفير لسورس ديليفاسيون ici bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers frères et sœurs, parmi les grandes et fortes paroles du célèbre compagnon Abdallah ibn Omar, lorsqu'il a constaté ce que les pèlerins avaient innové à son époque, il a dit, radiallahu anhu, les voyageurs sont nombreux et les pèlerins sont peu nombreux. Et la différence qu'il y a entre le voyageur et le pèlerin, c'est la même différence qu'il y a entre celui qui prie et celui qui accomplit la prière. Celui qui prie et celui qui, d'apparence, prie par les gestes et les positions, mais son cœur est distrait et absent. Quant à celui qui accomplit la prière, c'est celui qui l'accomplit avec concentration et présence du cœur. Et c'est celui dont la prière lui interdit de commettre le blâme et la turpitude. Comme Allah Azza wa Jalla le dit, accomplis la prière, en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâme. Et le pèlerinage également. Et cette parole, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, l'a dite à son époque, à l'époque des premiers siècles de l'islam. Qu'aurait dit Abdullah ibn Omar s'il avait vu les pèlerins de notre époque? Et il va les croire au filet. إن من حج تعبدا لله تعالى وإخلاصا له وتقربا إليه ترى مباشرة أثر الحج عليه ظاهرا في سلوكه وأخلاقه ولو حج مرة في حياته. أما من حج عادة أو رياء أو سمعة ليقال عنه الحج فلان وقد قيل، فهذا لا ترى أثرا في الحج في سلوكه ومعاملاته مع الله تعالى ولا في سلوكه ومعاملته مع الناس ولو حج كل عام، بل تراه يعود إلى سلوكه الأول كما هو قبل الحج. فأين أثر الحج في سلوك هذا وأمثاله؟ لقد تخفف هذا الحاج من ملابسه وللبس لباس الإحرام ولم يتخفف من أثقال الذنوب. وحلق هذا الحاج رأسه أو خفف منه ولم يتخفف من ظلم الأهل والأقربين والمستضعفين، وذبح هذا الحاج نسكه ونحر هديه ولم ينحر هواه الذي زين له سوء عمله، وبات هذا الحاج في مزدلفة وبات في منى ورمى الجمرات الثلاث ولم يرم شيطانه الذي جرى في دمه، وبات في خيشومه وتربع على عرش قلبه وفؤاده، فكيف يعود من هذا حاله بعد حجه كاليوم ولدته امه وهو كهو يوم سافر الى حجه؟ شخصا كتاب الله، celui qui accomplit le pèlerinage par adoration pour Allah avec sincérité et pour se rapprocher de son Seigneur, tu constates aussitôt l'impact du pèlerinage sur lui. Tu constates cela dans son attitude, dans son comportement, même s'il ne fait le pèlerinage qu'une seule fois dans sa vie. Quant à celui qui accomplit le pèlerinage par coutume, par habitude, par ostentation, afin que les gens l'appellent Al-Hajj, tu ne retrouves pas les effets du pèlerinage sur son attitude et son comportement avec Allah Azza wa Jal, ni son attitude et son comportement avec les gens, même s'il fait le pèlerinage chaque année. Au contraire, il revient vers son attitude de toujours qu'il avait avant le pèlerinage. Où est l'impact du pèlerinage sur cette personne? Il s'est allégé de ses vêtements pendant le pèlerinage pour mettre le vêtement de sacralisation, les vêtements haram, mais s'est-il allégé du poids des péchés? Il s'est rasé la tête ou bien il a diminué ses cheveux? Mais a-t-il diminué l'injustice envers sa famille, envers ses proches et envers les plus faibles? Il a sacrifié une bête en égorgeant El-Hari, mais a-t-il réussi à égorger ses passions qui lui embellissent ses mauvaises actions? Il a passé la nuit à Muzdalifa, il a passé la nuit à Mina et il a lapidé les trois stèles, mais il n'a pas réussi à lapider son diable qui coule dans ses veines et qui passe la nuit sur son nez et est installé sur le trône de son cœur. Comment cette personne, cher musulman, peut-elle revenir après le pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mise au monde? Ibad Allah, لقد ودع المسلمون قبل أسابيع مناسبة عظيمة هي مناسبة الحج، وسعد الناس بأداء هذه الفريضة العظيمة. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فلله الحمد والمنة على ما من به على حجاج بيته من إتمام نسكهم، وله الحمد والمنة على ما يسر لهم وأعانهم على إكمال هذه الشعيرة العظيمة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج وأن يرزقنا وإياهم الاستقامة على دينه، إنه جواد كريم. أيها المؤمنون، سؤال ينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسه: ماذا بعد الحج؟ كيف هي حال العبد بعد هذه الفريضة؟ هل يعود الناس كما كانوا عليه قبل الحج؟ هل تغير سلوك المؤمن من سيئ إلى حسن ومن حسن إلى أحسن؟ إن الحج ميلاد جديد، إن الحج ميلاد جديد. ألا ترون أن الحاج يحلق رأسه كالمولود الجديد؟ فيجب على الحاج أن يتوب إلى الله تعالى وأن يجعل حجه فرصة لتصحيح أعماله. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. شخصاً كتاب الله، les musulmans, il y a quelques semaines ont terminé le pèlerinage et les gens sont heureux lorsqu'ils finissent les rites de cette grande obligation. Allah dit dans le Coran: dis au Mohammed, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devraient se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Allah subhanahu wa ta'ala nous mérite les louanges et la gloire car il a permis aux pèlerins d'accomplir les rites du pèlerinage. Chers croyants, il y a néanmoins une question que chaque musulman doit se poser. Que se passe-t-il après le pèlerinage? Que se passe-t-il après le Hajj? Comment doit être le service? prêcheur après cette obligation, les gens doivent-ils revenir comme ils étaient avant le pèlerinage? L'attitude du croyant a-t-elle changé de mauvais vers le bon ou bien du bon vers le très bon? Le pèlerinage, chers musulmans, est une nouvelle naissance. N'avez-vous pas remarqué que le pèlerin, comme le nouveau-né, se rase la tête comme on le fait à la naissance d'un nouveau-né? Donc il est donc obligatoire que chaque pèlerin se répande à Allah Azza wa Jal et qu'il rende le pèlerinage telle une occasion pour corriger ses actes. Allah nous dit dans le Coran, et répandez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Et il dit également, ô vous qui avez cru, répandez-vous à Allah d'un évangile sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite, et ils diront, ô Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Ibadallah, inna min al-khata'i an yadhunna al-insanu anna mawasim al-ta'at fursatun lit-tarfif min al-dhunub min al-hajj wa min ramadan ila ghayri dhalik thumma idha dhahabat hadhihi al-mawasim waqa'a fi ghayriha min al-mukhalafat وتنتهي فترة إقباله على الله تعالى بانتهاء هذه المواسم. يجب أن يعلم المسلم أن مواسم الفعل هي تحول كامل لواقع المسلم من حياة غفلة والإعراض عن الله إلى حياة الاستقامة والإقبال على رب العالمين. وإن من إدلال الشيطان وخداع النفوس الأمارة بالسوء أن ينتكس كثير من الناس على عقبيه ويعود إلى معاصيه. أيها المؤمنون، ها هو ربكم يناديكم بنداء الإيمان أن تستقيموا على شرعه وتستجيبوا له ولرسوله وتتقوه حق تقاته وتعبدوه حق عباده حق عبادته في حياتكم إلى مماتكم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers serviteurs d'Allah, parmi les erreurs commises par les musulmans, le fait que certaines personnes pensent que les saisons d'adoration, comme le pèlerinage, comme Ramadan ou d'autres, sont des périodes d'allègement des péchés. Puis après ces périodes, ils commettent d'autres péchés. Et leur engouement pour l'adoration s'arrête à la fin de ces périodes. Ce que le musulman doit savoir est que les saisons d'adoration sont un changement de la vie du musulman. Il doit passer de la vie de l'insouciance et du détournement à la vie de la droiture et de l'engouement pour la religion. Et parmi les garants du diable, les tromperies de l'âme incitatrice au mal, le fait que beaucoup de gens, malheureusement, après ces périodes, reviennent en arrière et retournent vers les péchés et la désobéissance. Chers croyants, Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, nous appelle par l'appel de la foi. Il nous ordonne de suivre droitement sa religion et de répondre à son appel et à celui de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de le craindre d'une véritable crainte et de l'adorer comme il se doit toute notre vie jusqu'à la mort. Allah nous dit, ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim wa qul ma tasma'un wa astaghfir Allah al-Azim li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا اله الا هو الحمد لله والصلاه والسلام على خاتم النبوءه والرساله وعلى اله وصحبه وكل من انتمى له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون، يا من أكرمكم الله بحج بيته، يا من وقفتم موقفا تمنى ملايين المسلمين أن يقفوه، يا من اصطفاكم ربكم من بين خلقه لتقفوا على صعيد عرفة، يا من زاه بكم الملك الدجال ملائكته، يا من قال لكم ربكم حين نفرتم من عرفات: أفيضوا عبادي مغفورا لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم. إذن والإخوة الكرام، بعد هذه النعمة العظيمة من الله تعالى وهي البلاغة الحج فلا بد من وقفات مع النفس. الوقفة الأولى أن نتذكر فيها عظيم نعمة الله علينا، حيث إنه مع كثرة ذنوبنا وعظيم خطايانا وزللنا يكرمنا الرحيم الرحمن بالوقوف بين يديه، ويكرمنا بأن نستغفره ونستهديه، ويكرمنا ربنا بأن يسر لنا الحج ليغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. فما أكرمه من إله واحد أحد، وما أعظمه من رب غفور رحيم تنزه عن الصاحبة والولد. شق ويحفظ. انظر كما عز وجل a privilégié par le pèlerinage à la maison sacrée, au vous qui avez été présents à des endroits enviés par des millions de musulmans à travers le monde, au vous qu'Allah Azza wa Jal a choisi parmi ses créatures pour être présents sur la terre de Arafat, au vous qu'Allah a vanté vos mérites auprès des anges, au vous pour qui Allah a dit lorsque vous êtes sortis de Arafat, ô mes serviteurs, déferlez, vos péchés sont pardonnés, vous m'avez agréé et je vous agrée. Donc, chers frères, après ce bienfait d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il nous ait permis d'accomplir le pèlerinage, il faut marquer des temps d'arrêt et des temps de réflexion avec nos âmes. La première réflexion, il faut qu'on se rappelle les bienfaits d'Allah Azza wa Jal envers nous. Car malgré notre grand nombre de péchés et de nombreuses erreurs, Allah Azza wa Jal nous ennoblit en nous permettant de se tenir devant lui. Il nous ennoblit en nous permettant de lui demander le pardon et la guider. Et il nous ennoblit en nous facilitant le pèlerinage afin de nous pardonner nos péchés et nos erreurs. Il n'y a donc pas plus noble qu'Allah Azza wa Jal le dit. Et le mot Fania, qui peut parler de nous, il a dit une arme à la vie et à la vie à la Fania. قال تعالى الجزاء الإحسان إلا الإحسان، فلا بد أن يكون شاكرا لربه منيبا إليه، وليس الشكر كما يتصوره البعض لأنه الشكر اللساني فقط، لكنه في حقيقة الأمر هو الشكر القلبي، حيث يظل قلبك متعلقا بخالقك مستشعرا نعمته عليك ومعه الشكر العملي، فتكون بعيدا عن كل ما يغضب المنعم عليك، قريبا لكل ما يحبه ويرضاه. قال تعالى مبينا لهذا المعنى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان، فيقال له: يا رسول الله، لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيب صلوات ربي وسلامه عليه معلما للأمة حقيقة الشكر، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. La deuxième réflexion est de se dire: comment le croyant répond-il à ce bienfait et à ce don divin d'avoir accompli le pèlerinage? Allah dit dans le Coran: y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Il faut que le croyant soit reconnaissant, revenant à Allah Azza wa Jal. Et le fait d'être reconnaissant n'est pas comme se l'imaginent certains, le fait d'être reconnaissant par la parole seulement. Non, il faut que la reconnaissance ait lieu dans le cœur du croyant, afin que le cœur ne cesse d'être attaché à son Créateur, ressentant les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Il faut également que la reconnaissance ait lieu par les actes, en étant loin de tout ce qui met en colère le Seigneur de l'univers et proche de tout ce qu'il aime et adhère. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ô famille de Daoud, œuvrez par gratitude, alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Et nous avons dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple à suivre. Il priait la nuit sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que ses pieds enflent. Et on lui disait: ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés antérieurs et ceux à venir? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait, tel un enseignant voulant enseigner à toute la communauté le sens de la reconnaissance, il disait sallallahu alayhi wa sallam: Afala akun abdan shakura, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Rapporté par le Bukhari et Muslim. Et lui a dit: Mino, alors qu'on te fait un لو أن رأينا رجلا شيد عمارة فلمقها وزينها وجودها الآخر ألا نقول إلا هو ظالم باغي ونحاول منعه بذلك العمل؟ فما بالكم إذا كان الذي بنى العمارة هو نفسه الذي أخذ بتشويهها وهدمها؟ ألا يعتبر هذا ضربا من الجنون؟ قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقلت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ويقول بعض السلف: إن علامة قبول الطاعة أن يوفق العبد لطاعة بعدها، وإن من علامات قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها. وهل أنت يا عبد الله قد عدت من حجك بإذن الله تبارك وتعالى كاليوم ولدتك أمك؟ عدت وقد صفت صفحة أعمالك فعالت بيضاء نقية، فلا تسودها بالذنوب. وقد يقول الشيطان لأحدهم: أذنب، ثم إذا جاء الحج المقبل أو بعد سنتين أو بعد ثلاث غسلت عنك ذنوبك. فنقول لمثل هذا: أضمنت العيش إلى العام القادم؟ أما تخشى أن يأتي عليك العام القادم وأنت تحت التراب مرتهن بعملك، قد بلي جسدك وذاب عظمك، تتمنى العودة إلى الدنيا لتسبيح الله تسبيحة واحدة فلا تستطيع؟ أما تخشى أن يأتي عليك العام القادم وأنت على فراش المرض لا تستطيع أن تجلب لنفسك شربة ماء؟ أما خشيت أن تتكاثر عليك على قلبك الذنوب والخطايا فتغطيه طبقة الران والعياذ بالله، فتصبح لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا؟ تصبح طاعة الله تعالى أثقل عليك من حمل الجبال، وتكون معصيته أهون عليك من ذب الذباب عن أهلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا بيده. رواه البخاري. Chers musulmans, la troisième réflexion est une question. Si on voyait un homme construire une maison, l'embellir, la décorer, l'orner des plus beaux ornements, puis arrive une deuxième personne et commence à souiller le bâtiment ou bien la maison et à la détruire, que dirons-nous de cet homme? Nous dirons que c'est un tyran injuste et on essaiera de l'en empêcher. Et que penser donc si celui qui a construit la maison lui-même l'a permis et l'a détruit? N'est-ce pas cela une sorte de folie? Allah Azzawajal dit dans le Coran: et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée. Et certains pieux prédécesseurs disaient: parmi les signes de l'acceptation de l'obéissance, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite au serviteur l'accomplissement d'une autre bonne action. Et la récompense de la bonne action est le fait d'accomplir ensuite une autre bonne action. Donc, aux musulmans, tu es revenu de ton pèlerinage par la permission d'Allah Azzawajal, semblable au jour où ta mère t'a mise au monde. La page de tes œuvres a été purifiée, elle est blanche et nette, ne la ternis pas de nouveau par les péchés. Le diable Shaitan dit à l'un d'entre nous: commets des péchés, puis l'année prochaine, dans 2 ans ou dans 3 ans, rentre au pèlerinage et tu seras lavé de tes péchés. Nous disons: qui possède une garantie d'être présent l'année prochaine? N'as-tu pas peur d'être l'année prochaine sous terre, ton corps rongé, tes os fondus? Tu désirais revenir sur terre pour pouvoir vivre une seule fois, subhanallah, et tu n'en pourras, tu ne pourras pas faire cela. N'as-tu pas peur que l'année prochaine, tu sois sur ton lit, malade, ne pouvant pas voir un seul verre d'eau? N'as-tu pas peur que les péchés s'accumulent sur ton cœur jusqu'à l'emporter, tu ne reconnais plus le convenable et ne blâmes plus le blâmable? L'adoration devient alors pour toi plus lourde que de porter une montagne, et le fait de faire un péché devient plus facile pour toi que de chasser une mouche de ton nez. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le célèbre compagnon, disait: le croyant voit ses péchés comme s'il se trouvait au pied d'une montagne et craint qu'elle ne s'écroule sur lui, et le pervers, lui, il voit ses péchés comme une mouche passant devant son nez et qui l'écarte par un geste de la main rapporté par Al-Bukhari. Sallallahu ta'ala bi asma'il husna. On s'est fait une ula, elle est encore à la main, une geste ici. وأن يوفقه لما يحب ويرضى وأن يرزقه توبة نصوحا إنه على ذلك قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول محمد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذل البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. آمين يا رب. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك في الوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان الذين يساعدون المسجد بأموالهم وبدعواتهم وبجهودهم وبأوقاتهم. اللهم تقبل منهم اللهم تقبل منهم واجعل كل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة وانصرهم على الظالمين المعتدين عليهم. اللهم فرج همهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم انصر اخواننا في افغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي عذاب النار. انتم الخميس كان فاتح محرم فبالتالي اليوم التاسع سيكون الجمعة القادمة إن شاء الله واليوم العاشر السبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى للذين يرغبون في صيام يوم عاشوراء وأحثكم على ذلك فالأجر عظيم. يكفر الله تبارك وتعالى بذلك الصوم سنة كاملة السنة التي قبله. Donc hier c'était le premier jour de Muharram jeudi donc le 9e sera vendredi prochain et le dixième jour sera samedi prochain. Donc j'incite les musulmans et les musulmanes à jeûner ces deux jours, car Allah Azza wa Jalla par cela pardonne l'année antérieure des péchés. Donc essayez de jeûner donc le 9e et le 10e jour de chaque Muharram. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah.